Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Gamozo pour l'émission La Parole est à vous. Alors ce soir avec l'ami Vincent. Bonsoir. Voilà. Et puis, bonsoir Vincent. Et puis bonsoir, bien sûr ma co-animatrice Félicie. Ben, je vous salue toutes et tous. Alors, bon, il y a un point commun hein, entre nous trois, c'est qu'on fait tous partie de l'association Recréer. Voilà. Vivre et créer à la montagne. Ouais, ouais. Alors en avant première, on pourrait dire, puisque tu vas reprendre aussi les thèmes de l'émission de ce soir dans ta propre émission Vivre et créer à la montagne, donc parler un petit peu de qui a lieu vendredi, de nous. Qui a lieu vendredi, hein. C'est ça Vincent? Oui, oui. Ton émission, ton émission. Voilà, donc parler de Recréer, l'association Recréer. Faire un peu le bilan de ce qui s'est passé en 2018, pendant les 8 premiers mois de 2018, étant entendu que la troupe théâtrale, bien sûr, a connu une pause pendant l'été, pause bien méritée, n'est-ce pas, parce qu'il y a quand même pas mal de représentations, mais que l'activité de Recréer a continué avec, bien sûr, les feux du ballon, et puis la fête du, la fête du ballon, et puis là, va continuer. Et pas seulement. Tout le septembre, les trois prochains week-ends de septembre, c'est à plein pot, voilà. Oui. Voilà. Voilà. Alors, un petit résumé de ce qui s'est passé En 2018. Alors, en 2018, on commençait par le feu de l'année 17. En 18, oui, tu commences en 18. Oui, mais moi, on peut parler de... Je suis un ancien prof, je raisonne par année scolaire avec mes agendas aussi. Et donc, si je commence en... T'as nostalgie de la rentrée En septembre, non, pas du tout, mais en septembre 17, on avait fait les 400 ans de la poudre dans les mines, donc on avait joué des sketchs et tout, et puis il y avait une balade aussi qu'on a repris cette année, qu'on va reprendre cette année, autour de la Casemus avec Francis Cuny. Et ça, on reprend cette année. C'est régulier, c'est récurrent. Et puis Francis, après, toujours. Ah oui, toujours avec Francis, mais depuis 2013. Depuis 2013, on a cette balade de la Casemus qui est devenue un rituel, si je peux dire, qu'on a instauré avec le parc des ballons, dans Ballon en balade, et à partir de ça, Francis Cuny, l'Hercule des Hauts, le bûcheron Hercule, Héraclès, si on veut, eh bien, avait construit, au début, il voulait faire 12 bancs, puis après, ça a été 40, puis après, 80. Et là aussi, il y a le fameux tétraède, on en reparlera un peu, de Frédéric Durand, symbolique, atome de carbone, symbole de la vie au milieu. Et là, bon, c'était quelque chose qu'on avait repris en 17, qu'on reprend là, le 9 septembre, en 18. Bon, voilà, donc ça s'il y a une espèce de... Pourrais-tu nous repréciser où est la Casemus? Ah bah, la Casemus, mais oui. Bah oui, bien sûr, pour un Bussenet, pour un... À Remiremont, on ne sait pas. Pour un Fraissinet, c'est normal, en fait, c'est un vaste plateau à 1000 mètres environ, étendue assez plate, à 1000 mètres d'altitude, avec tourbière et tout, qui est devenu le terrain incognita. Depuis pas mal d'années, depuis la guerre de 14, on va dire, et malgré les parachutages pendant la guerre 39 et 39-45, et donc c'est un plateau qui est situé au milieu des vallées de Moselotte, Vintron, côté donc Cornillon, de et Travexin, de du ruisseau du Ménil, avec le Ménil, et de la Moselle, avec bien sûr Fraisse, notamment un peu Saint-Maurice et beaucoup Bussan. Et tout ça, c'est au milieu une espèce de terre, de haute terre à 1000 mètres, qui était un peu oublié et qu'on veut réhabiliter. Voilà, ça c'est donc là, c'est régulier, mais en même temps c'est magnifique, c'est à la fois magnifique et mystérieux. Oui. Voilà, et je veux parler du ça mérite la découverte. Voilà. Alors je parle du passé et du futur, mais ça c'était déjà le passé de 17, ce qu'on parle de 17-18. Alors après on a fait, justement par rapport aux 400 ans, c'est pour ça que j'ai introduit ça, on a fait une pièce de Maurice Potser, relookée si je peux dire, resserrer. Morteville, sa deuxième pièce, qui est un drame sur la montagne, qui se passe au Ballon d'Alsace, et qui est une espèce de catastrophe, donc qui aurait eu lieu, enfin c'est une légende, une ville engloutie. On l'a joué jusqu'en novembre, jusqu'en décembre, et ça a marché, on l'a joué à plusieurs lieux, et après, on l'avait joué aux 400 ans, et après donc arrive l'année 18, et là, la troupe était lasse de, parce que je leur avais infligé, si je peux dire, du Maurice Potzer depuis 3 à 4 ans, avec les 120 ans du théâtre. On avait fait aussi le parcours Potzer, etc., qu'on a inauguré à Bussan en 2015. Donc, il fallait faire du Potzer. Alors, on avait fait un parcours Maurice Potzer ou La Jeunesse Éternelle, où j'ai fait la connaissance de Félicie, qui jouait avec Dominique et avec Pascal, que je salue, Pascal Royer. On a fait des bisous. Dominique aussi. Donc, qui faisaient des lutins dans le château, des extraits du Château de Rance. Oui. Très, très beau, très joli, très, très, très frais, je dirais. Vous connaissez Félicie à la radio. Donc, vous voyez, et on avait. Alors, ils étaient un peu saturés de Maurice Potzer, mes amis de la troupe. Ils se sont. Donc, ils m'ont demandé de sortir une pièce que j'avais écrite, en fait, 4 ans avant. Pour la Comcom, pour le Festival des Arts Mélangés, qu'on avait joué à Blanche-Mer, que tu y étais, Michel, bien sûr, tu y es toujours, et tu préparais les trucs, tu nous aides toujours. Et donc, ce magnifique lac de Blanche-Mer, on avait joué, donc c'est Chemin de Lisière, et d'ailleurs, chaque année, on joue à Blanche-Mer, hein. Ça c'est un fait, oui. L'année d'avant, en 17 aussi, on avait joué à Blanche-Mer, oui. Il faut peut-être développer à Blanche-Mer, en fait, moi je voulais vous dire quelque chose sur notre compagnie, comment elle fonctionne. En plein air, on fait on se pose pas au bord du lac à jouer la pièce entière. On fait scène par scène, on fait une scène au bord de telle rive. Après, on continue et il y a le musicien tout autour du lac, et il y a le musicien Michel Génini qui emmène le public. Et Christophe Toussaint, ne pas oublier. Et Christophe Toussaint également, qui emmène le public entre les scènes. Et ben, en automne, on joue plus en salle. Hein. Donc, alors après, cette année, on a repris une nouvelle pièce que j'avais écrite, qui est la suite de celle d'avant. On en reparlera peut-être un peu, parce que ça a fait tout notre début de saison jusqu'au mois de juin, à Blanche-Mer et aux Cascades de Tendon, où Michel, d'ailleurs, tu nous as enregistré. Dans le cadre du Festival des Arts Mélangés, patronné par la Comcom. Voilà, Comcom du Haute-Vosges. Et donc, on a joué jusque. On devait le jouer encore plus. Malheureusement, notre ami Pascal, qui est un des rôles principaux, a dû être opéré, il faut le dire. Et on a arrêté la pièce qu'on devait jouer à Fontenoy-le-Château. On a arrêté la pièce pour l'instant. On attend la réhabilitation de Pascal. En attendant, on a fait des parcours théâtraux avec l'Union des écrivains vosgiens, que ce soit l'Ardeur à Contrexéville, Félicie y était, bien sûr, que ce soit Alice au Pays des Merveilles, toujours à Contrex, pour Contrex Insolite, ou bien à Fontenoy-le-Château, justement, on a offert un parcours nocturne à Fontenoy-le-Château, le 4 août, ou 7 août, je ne me rappelle plus, qui était la journée François Bâtonnet, et qui était voyageur d'une nuit d'été, et dans ce cadre-là, dans la nuit, on a donné le parcours Alice au Pays des Merveilles, avec nos comédiens en lecture cette fois-ci, et musiciens, Michel Génini et Jean-Claude, il y était Jean-Claude Dussan, et donc voilà, donc tout ça, non, je ne sais pas s'il y était ce coup-ci, enfin il y est souvent, et en tout cas, et on a fait la fête du ballon récemment, comme chaque année, depuis 1998, les feux du ballon. Évidemment, tu as raison, c'est le plus important, et d'ailleurs c'est comme ça que je voulais commencer à donner un extrait de la veillée musicale du dernier feu. Alors le dernier feu, bien sûr on peut commencer par ça, si tu veux, si on veut faire la rétrospective, en même temps on va faire la prospective du prochain mois de septembre, c'est ce qu'il faut dire, mais on va, sans trop prendre de temps, passer le numéro 1 de ma clé USB, si on arrive à la lancer, n'est-ce pas ? À l'extraire. Alors en fait, on ne va pas tout passer, mais on a un extrait de la veillée. C'est difficile que d'extraire du minerai des mines. Oui, voilà, un extrait de la veillée du ballon avec milliers de personnes, Michel qui préparait les feux. Voilà, et la musique sans cause du son. Voilà, c'est ça. Les c'est... chevaux du ciel, dans les tempêtes du siècle, les chevaux du soleil, l'inquiétude du monde, l'inquiétude du temps, les risques des espaces courbes, où l'infini se courbe en rivière de vie, clameur accélérée dans le monde autour. Il se guérit le monde, ici, dans le soleil, ballon à pont, le guérisseur, l'artiste, aux cheveux de lumière, mon fantastique espoir, bon azur, l'humain dit de l'illuminer, comme on dit en patois, patois de l'infini d'étoiles, oiseau strident. Regarde l'espérance nous transmettant en silence. Prends la sève du vent, elle l'est dans les gencives de l'espace. La laideur est partout, elle est commerciale, étouffante, vénale. Et pourtant, le beau pointe son nez derrière le moindre arbre. Sauvé, émergeons du béton, éclatons du béton. Les êtres sauvages du vent, les songes rapaces du feu, cliquetis des comètes. Faire le feu de son cœur, de ses mains, de ses doigts, brûler ses peines à peine esquissées. Vol au vent, toute amertume emmenée aux étoiles, étoiles, le matelas, le suprême imagine, air. Les aléas du soleil, les rivières de la vie, ainsi vont et viennent. Les événements, les sentiments, les humains agiles et magnifiques, et la fête et la belle ampleur, leur robe d'été a... Voilà. Voilà, voilà un extrait de la veillée. De la veillée, alors cette veillée elle-même au ballon, elle est rituelle, et elle précède la montée au ballon où des gens comme Michel, ici présent, monte avec les porteurs de torches et de, flambeaux, enfin de lampions, voilà. Lampion. Et, ça se prépare pendant la veillée, tout un groupe, vous étiez combien cette année? Oh, 200 là-haut. Alors en tout, on était bien un millier en bas, mais après, en totalité, j'ai compté à peu près. Les deux années précédentes, il n'y a jamais eu autant de monde. Et donc, on l'a vu à la buvette, au chiffre de la buvette. Et donc, on a donc ces feux qui, effectivement, existent depuis 1992. Fondation de Recrée. C'est pour ça que j'en ai parlé, parce que Recrée a été fondée par rapport au feu du ballon qu'on a voulu relancer les feux en montagne. En fait, un peu auparavant, l'ami Dédé Cidre, qui est de notre radio aussi, qui y était en tout cas, l'ami Dédé avait lancé, remonter les feux en montagne, lui. Et ça, c'était... tu te rappelles, en 1985. Non. Un peu plus tard. Attends. Attends. Oui, tu m'as de me situer. Si. Vrai. C'était les premiers feux à la Picante-Pierre. Oui, la Picante-Pierre. Donc, où Dédé, alors, Recrée n'existait pas, 85, 86, 87. C'était Vosges en Marche. C'était Vosges en Marche. Et après, bon, Dédé a fait autre chose. Et nous, on a voulu continuer en 89 avec, effectivement, là où on a notre antenne, on a fait le feu du Saint-Mont, mais qui répercutait, qui étoilait sur une cinquantaine de feux pour les feux. Dans le cadre du bicentenaire de la Révolution. Voilà, les feux du centenaire. Les feux du bicentenaire. Donc tout ça a été les prémices de Recrée. Après, on est monté au plein du Canon, j'en sais quelque chose. On a fait une petite excursion chez vos roches. Ah, mais bien sûr, mais tout à fait. C'était même. Petite vanier, hein, c'était même. Tu as raison. Dans un site magnifique. C'était le feu. On n'a pas eu beaucoup de chance parce qu'on était dévorés par les moustiques. Oui, mais enfin. C'était bon. Il y avait des musiciens, je me rappelle, oui, il y avait l'ami. Un groupe de rock. Oui, puis l'ami. alsacien qu'on a un peu perdu. Ah oui, Christophe Christen, qui faisait vibrer la montagne. Et en tout cas, on avait fait ça. Et c'était le seul feu de RGM. Parce qu'on n'avait pas d'assos à l'époque. Et c'était RGM qui avait couvert, patronné ce feu. Alors, donc. Par la suite, Recré s'est créé pour justement avoir le droit, parce que l'idée, il y a eu 91, plein du canon, on était au pied du canon, et moi je sais qu'on était vraiment au pied, parce que mon pied c'est quelque chose, n'est-ce pas? Ah, et malencontre chute. Oui, voilà. C'était bien. Et par la suite, on est vraiment monté au ballon, et c'est là que pour monter au ballon, il fallait une association, et aussi, j'allais dire. Pour être légitimé vis-à-vis des pouvoirs publics et un spot, voilà. Du syndicat mixte du ballon. Voilà, et du parc aussi. Et puis on ne fait pas un feu comme ça. Il fallait une revendication artistique. Et je sais que toi, Michel, il y a longtemps, tu avais voulu lancer des rencontres artistiques au Saint-Mont. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. C'est toi qui les avais lancées, me semble-t-il. C'était Renaud aussi. Oui, mais au Saint-Mont avant, il y avait eu des rencontres artistiques bien avant, et l'idée de réunir les artistes. Thierry aussi. Thierry, oui, alors bien sûr, il y avait Thierry. Thierry qui était le fondateur d'ailleurs de Recré, le vrai premier président de Recré, qui était une association artistique et qui ensuite est devenu Recré, Vivre Recré à la montagne avec des changements de statut. L'idée est de faire fructifier l'art. Sur les trois versants, alors, on est un peu plus vosgien, mais il y a un côté quand même alsacien, et surtout comtois. On a des échos. Là, pas plus tard qu'à la fête du ballon, il y a un bûcheron du côté de Giromanie qui est venu s'offrir, mais il sait bien, au feu, tout ça, il faut que ça continue, et il va nous aider l'an prochain, ce qu'on a besoin, parce que oui. Les feux, c'est pas rien, hein, ouais, Michel. Ouais. Bon, alors, oui, c'est du bois à traîner, voilà. C'est du bois à traiter, c'est du bois à élever. Voilà. Alors, ça c'est donc, c'était pour le passé, mais qui sera futur en 19, on pense le refaire, les feux du ballon qui sont devenus un peu notre emblème. Hein. Recré, c'est centré sur les feux du ballon. Il n'y a pas que ça, puisque par la suite... Je suis personnellement étonné de l'engouement qu'on suscite chez nos amis de Franche-Comté, en particulier de la région de Belfort. C'est vrai. Ils sont beaucoup plus nombreux encore que les Vosgiens à venir à ce feu du ballon. Bien sûr, la vallée de Mazo aussi. Oui, plus les Alsaciens, ils viennent, mais ils sont pourvus en plus. On avait un feu associé, c'était le feu de la Vierge de la Visegrutte par les Alsaciens, mais cette année ils ne l'ont pas fait. Et c'est pour ça, ça répondait, ça fait qu'on avait en quelque sorte. Oui, il y avait deux feux. Ça fait quatre. Planche des Belles-Filles, c'est une année, où on a eu le feu de la Planche des Belles-Filles. Et on voulait étoiler. L'idée, évidemment, ce serait un jour, peut-être, de faire des feux. On n'a pas eu le droit de faire au sommet du ballon. C'est pour ça, au sommet du ballon, on fait que des petits feux. Tu en sais quelque chose, Michel? Puisque tu veux que ça soit des... Chaque fois, tu veilles sur eux, les deux feux du sommet, de Jeanne d'Arc et de la Vierge. Et donc, c'est toi qui les construis, feux signal. Voilà, des feux signal, parce qu'on n'a pas le droit de faire des grands feux. Sinon, l'idée absolue serait les feux qui se répandent du ballon aux belles chaînes suisses et aux belles chaînes allemandes. Selon toute une théorie dont je n'ai pas trop le temps de parler, mais c'est le belles chaînes système. Voilà. Ça, c'est tout encore autre chose. Le ballon système. Il faudrait que nos amis allemands, amis suisses nous suivent un petit peu dans notre trajectoire. Trajectoire des ballons. C'est-à-dire que ça demanderait de pouvoir faire des feux au sommet et de faire des feux qui se répondent. Ça serait des feux européens, d'une certaine façon. C'est pas exclu, mais pour l'instant... Mais en même temps, on ne pourrait jamais, bien sûr, tenir 1000 personnes au sommet du ballon. L'espace est restreint, puis bien sûr, le piétinement qui s'ensuivrait risquerait C'est pour ça qu'on n'a pas eu le droit. D'abîmer la nature. D'ailleurs, anecdote, l'année en 92, quand on a obtenu le droit de faire les feux culturels, parce que avec la jonction des artistes, vivre et créer à la montagne, quand on a eu cette autorisation, Eh bien, quand on a eu cette autorisation, eh bien, on a été. C'était l'année où il y avait. Je suis un peu perturbé parce que j'ai entendu des sons là. C'était l'année où ils voulaient faire les Eurokéennes au ballon. Alors, heureusement, ils n'ont pas fait là-haut. Alors voilà. Alors maintenant, peut-être, on va. L'espace disponible n'est quand même pas assez grand pour faire ça. Alors, moi, je trouve ça génial, les Eurokéennes, mais je trouve qu'elles sont bien là où elles sont. Il y a quand même plus d'espace avec les lacs, c'est joli. Il faut un kilomètre carré de superficie pour pouvoir tenir un spectacle de cette dimension, si on peut dire. Alors là, je ne sais pas, on va lancer... Il y a un petit problème. Un petit problème, peut-être oui, que parce j'ai que mal. T'as verre. Voilà. Voilà, il y a un petit problème technique, mais ça va passer. Je vous rappelle, pour ceux qui prendraient l'antenne en cours de route, on peut dire on parle bien sûr de l'association Recré, et puis des différentes activités de cette association Recré, bien sûr, il y a l'activité théâtre qui est très connue, il y a les feux du ballon, que l'on attribue ou non à Recré, mais c'est bien Vivre et Créer à la Montagne qui ont continué dans cette affaire de remonter les feux au sommet des montagnes. Il y a les lectures aussi et le travail qu'on fait en coordination avec l'UEV. Vincent en parlera certainement tout à l'heure, des ateliers d'écriture avec l'Union des écrivains vosgiens. Il y a un prix qui est remis à Fontenoy-le-Château tous les ans, le prix François Mathenet, qui a fondé l'Union des écrivains vosgiens il y a 50 ans. Bon, évidemment, la poésie a évolué. Enfin voilà, l'UEV, puis le Printemps des Poètes aussi. Est-ce que la pause musicale est-elle prête? Voilà, nos techniciens en herbe, ils travaillent, mais bon, on peut continuer un petit peu en attendant de lancer cette pause musicale. Ouais. Voilà. On va reparler bien sûr. Moi, je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours. J'ai déjà quelques miracles, je me dis de faire demi-tour. La fée des neiges, je me suis tapé sur son ventre. Les fantômes du syndicat des marchands de certitude qui sont glissés jusqu'à Badur. Aux gens, mon attitude, c'est pas plus populaire, la goût de la solitude. Il faut le poids de l'âme. Et dans le désert. Depuis trop longtemps, tu demandes à qui ça sert, toutes ces règles un peu truquées du jeu qu'on veut faire jouer les yeux bandés. Tous les rapaces du pouvoir menés par un coup de sinistre, plongeant vers moi leur musique, être accordéoniste. Je crois pas qu'ils viennent me parler des joies de la vie d'artiste. De l'autre côté, voilà un gars toujours aussi lunatique. Son œil est rempli de sable, sa bouche pleine de vernis. Dans son obélisque ou dans un cimetière de vieilles peines mécaniques. Bon, là j'envoie à la fois plusieurs séquences qui se recoupent les unes les autres et qui passaient pas, qu'on a envoyé, qu'on n'entendait pas. Donc là, il y a un problème. Je vais changer d'illustration. On va repasser des disques si tu as besoin de musique, Michel. Je m'excuse, mais c'est très embêtant, ça. Ça va être bien passé, là. Je vais réessayer. Voilà. En direct. Il m'a dit que je trouve plus mon île, vous auriez pas vu la mer. Va falloir que je parle du thermonucléaire. Courtez dans le désert. Depuis trop longtemps. Tu demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut faire jouer les yeux bandés. Un homme est venu vers moi d'une démarche un peu très lente. Qui m'a dit t'as-tu combien de jours? J'ai répondu bientôt 30. Je me souviens qu'il espérait y tenir jusqu'à 40. Quand j'ai demandé son message, il m'a dit d'un air tranquille, les politiciens finiront tous sous le feu de l'asile. J'ai compris que je pourrais bientôt regagner la ville. Monté dans le désert, depuis trop longtemps. Qui s'assère, tu fais un petit guéri, je compte faire jouer les deux bandes. C'est dans le désert, depuis trop longtemps, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, prenons l'antenne avec l'association Recréer, Vivre et Créer à la Montagne. Et puis on a parlé bien sûr un peu du bilan culturel de Recréer, hein, de l'activité théâtre, des feux du ballon, alors, oui, des ateliers d'écriture aussi. Alors dans les enregistrements que j'ai signé. Et puis on va peut-être parler un peu de la fête du ballon, oui. Et puis aborder le programme du mois de septembre. Alors là simplement on a essayé d'écouter en tout cas des... enregistrements faits en live, si je peux dire, que j'avais préparé, qui sont peut-être pas préparés au dernier moment, un petit peu. Et c'était donc François Feutet à l'instant, avec au violon Jean-Claude Husson. Et puis précédemment, on avait Popol Souvet dans un extrait de chanson, puisque ça a duré toute la soirée, toute la nuit, presque, enfin jusqu'au moins 1h du matin, oh oui, les chansons. Et on voilà. A eu du beau temps. Et on retrouve une de tes chansons préférées, La Révolution Permanente. Mais voilà, c'est ça. Alors donc. Vincent, c'est la révolution culturelle sur la vallée de l'Arve. Essayons. Ça c'est pour le passé qui sera un futur. Et puis on a eu la fête du ballon, et la fête du ballon où là. Il faisait beau. Ouais, il faisait beau, ce qui est rare. Et là, on a des artistes, des écrivains, surtout un peu plus d'écrivains depuis quelques années. Et c'est une formule qui existe depuis 98. Parce que, en fait, au début, en 92, quand on avait commencé à faire les feux du ballon, eh bien, on voulait en même temps faire des expositions. Je ne sais pas si tu te rappelles, le lendemain. C'était et le week-end d'après, c'était lourd. Alors c'est là qu'on a connu des gens comme Robert Wimmer, qui était de Franche-Comté, et maintenant il est en Saône-et-Loire, mais ou des gens périphériques. Et malgré tout, on a continué 3-4 ans, puis on s'est aperçu que c'était difficile, et simultanément c'était greffé un peu grâce à... Et en même temps, il y avait quelquefois un problème de temps, parce que mettre des œuvres à l'abri quand la tempête se lève, c'est pas tout évident. De toute façon, oui. Alors en 98 a commencé la fête du ballon. C'était un petit peu grâce à notre impulsion, puisque les commerçants du ballon à ce moment-là se sont aperçus que le ballon était un lieu, comme disait Francis Cuny, la place du ballon, c'était un lieu de retrouvailles, effectivement, de tous les horizons. Et à ce moment-là, eh bien, ils ont décidé aussi de faire une fête artisanale. Et avec le concours du SMIBA, quoi, c'est un syndicat mixte. Et au début, c'était les trois syndicats d'initiative, puis après, c'est devenu l'association Transhumance de Giromanie. Et là, ils ont voulu fédérer un petit peu tout le monde. Et nous, on s'est dit, nous, finalement, on pourrait se greffer dans cette fête. Et on a commencé à avoir un petit stand au début, avec l'Union des écrivains vosgiens aussi, qui a toujours été là. Mmh. Et peu à peu, on a élargi, peu à peu on nous a accordé un espace qui est de plus en plus vaste, et cette année on avait 4 chapiteaux, on est toujours dans la partie sud de la clairière des démineurs, et donc on a des sculpteurs qui restent, dont le fameux Marcel Montémont, qui est ton tonton, qui est, si on peut on l'écoutera, mais je ne sais pas si on n'aura pas le temps, je vais l'enregistrer. Ce qu'on ne peut pas écouter ce soir, je le passerai à l'émission Vivre et Créer à la montagne vendredi prochain. Et donc, Marcel, qui est là depuis des années, qui espère encore venir, qui est le facteur cheval de la Haute-Moselle, et qui fait des sculptures. Mais dans le bois, pas dans la pierre. Comment ? Dans le bois, pas dans la pierre. Pas dans le bois, oui. Et il fait des ouvrages, notamment cette année, il est toujours astucieux, il a une espèce d'être bisexuel. Si tu enlèves le clapet, il y avait le zizi qui sortait en bois. Bon, bref, ça l'amuse, ça amusait les gens. Ça amusait les gens, et puis c'est toujours original. Alors ça, il y a lui, il y avait Vincent Terrier de la Chaise qui nous revient avec ses peintures métaphysiques. Et Vincent, puis, comment tu dis Terrier de la Chaise. Et puis, Terrier de la Chaise. Et puis, donc voilà, on est, au point de vue plasticien, on n'insiste plus trop parce que, à part les peintures de Robert Wimmer aussi, on consacre plutôt depuis quelques années les chapiteaux aux écrivains. Et là, on avait une quinzaine d'écrivains qui viennent régulièrement. Et ça, c'est plutôt en partenariat avec l'Union des écrivains vosgiens, mais c'est quand même Recré qui fournit la base, le main-d'œuvre. Tu en sais quelque chose aussi, les chapiteaux, on va les chercher, on les monte, les tables, tout ça, voilà, c'est tout un travail, mais ça vaut le coup, il y a un vrai rayonnement. Voilà. Puis c'est une ambiance qui est très positive et agréable. Hein. Et puis c'est quand même intéressant d'avoir, côté des activités commerciales et artisanales, une activité culturelle au ballon. Voilà. Oui. Je crois que c'est indispensable, ce côté. Bien sûr, c'est pas facile. Les spectateurs sont de plus en plus nombreux. Et puis finalement, l'idée d'un pôle culturel dans cette fête a fait son chemin, je crois. Tout à fait, oui. Alors, il faut dire aussi Par ailleurs, puisque on est sur le ballon vraiment depuis 92, le parc des ballons, avec qui je travaille beaucoup, m'a invité notamment à participer aux commissions sur le grand site. Le grand site, c'est un projet du parc, notamment, de faire, comme pour le Ventoux, comme pour le Mont-Saint-Michel, de faire du ballon d'Alsace un grand site national, et qui, effectivement, tourne autour... Oh, ça vaut bien le Ventoux. Ouais, bien largement. Tourne autour de la région, en fait. Le grand site du ballon va jusqu'à Bussan avec le Théâtre du Peuple, ou bien au sud avec Giromagny, avec la Haute-Saône, avec la Proche Alsace. Mm. Et le grand site a besoin... Alors, moi, j'ai un peu insisté, puisque c'est un peu aussi lié à nos feux, sur l'hypothèse dont j'ai parlé tout à l'heure, l'hypothèse... du système des belles chaînes, qui voudrait que le ballon, on ne sait pas parce qu'il est rond, comme on l'avait appris, d'ailleurs il n'est pas spécialement rond, il est assez relativement plat là, et puis les autres ballons ou belles chaînes ne sont pas spécialement ronds. Par exemple, le belles chaînes suisse, il est plutôt un peu, pas pointu, mais il n'est pas du tout rond, et c'est un sommet calcaire. Et l'idée émise par les Alsaciens et les Lorrains, les historiens, depuis au XIXe siècle, et puis reprise par les Suisses et les Allemands, c'est que on aurait là, tout simplement, une déité qui serait l'équivalent d'Apollon, ou du moins un nom équivalent, Apollon, Abalon, Apollon, Abelen, Apollon, Abolène. Et ça reste une hypothèse, dans la mesure où historiquement, on l'a encore pas prouvé, mais elle est plausible et elle donnerait un mythe central à ce grand site des ballons. Voilà. Voilà, mais on va peut-être redescendre. Ouais, mais est-ce que dans la vallée. Ouais, mais est-ce que ça va être prouvé, ça, Vincent, alors? Ben, prouvé. C'est une théorie irréfutable ou? Ben, c'est une théorie. Qui se base sur l'observation des levées du soleil. Ouais. Au moment des principaux. D'accord. Du solstice d'été, d'hiver, des équinoxes. Ouais. Et donc, ça reste un système, ça reste une théorie. Bon, en quelque sorte, un triangle solaire. Oui, les preuves, c'est pas des preuves, mais c'est que quand on a commencé à faire les feux, on était loin de connaître toute l'archéologie régionale. Ah oui, d'accord. Et François en sait quelque chose, alors, puisque par ailleurs, on fait de l'archéologie, on a trouvé beaucoup de présence des chasseurs mésolithiques, c'est-à-dire de moins de 10 000 ans, et de part et d'autre du ballon. Et si bien que l'idée que ce sommet particulier ait été mis en valeur par les populations qui maintenant existaient après la fonte des glaciers, faire moins 10 000 ans, eh bien, c'est une idée qui est plausible, voilà. Et c'est une théorie qui est séduisante, même dans notre monde moderne, de pouvoir faire le lien entre la Suisse, l'Allemagne, par l'intermédiaire des ballons, des belles chaînes. Alors, ce que je suggère, puisqu'on a une pièce de théâtre dont on a parlé, et c'est à la fois le passé, puis on va aller vers le futur, je suggère qu'on essaye de passer... on va voir ce que ça donne, parce que un tout petit bout, Vincent. Mais ça sera un petit bout. Il faut qu'on parle de septembre. Ah, mais beaucoup de septembre. Alors, ça sera un petit bout de la scène de la centrale nucléaire. Lorsque dans Eldorado, qui est la dernière pièce que nous avons jouée, où on remonte l'Amazon à l'envers d'ailleurs, jusque. Bon, puis à un moment donné, on se trouve confronté à une centrale nucléaire que, tel Don Quichotte, on l'attaque. Alors bon, on va peut-être en passer un petit bout. Sachant bien que tu es bien modeste, c'est quand même le créateur, c'est Vincent de Combis. Oui, mais enfin. Pièce est géniale à enlever, pleine de drôleries. Ma foi. Si tu le dis. Si je peux me permettre, je reviendrai après. Voilà, on va encore préparer techniquement parlant cette séquence séquence donc qui va nous faire découvrir cette pièce de théâtre Eldorado dans laquelle bien sûr créée voilà par donc Vincent de Corbis, effectivement je vais lancer Julien Bianchetti. Au fond du fond, il y a le tréfonds de l'âme. Hé, hey, tu sais quoi? Nous avons pris le minerai invisible, percuté, explosé, trituré, nucléarisé, depuis les noirs du noir de la mort au bout du temps. Jean-Rois de Gaine, encore la route. Toujours la route. C'est quoi là-bas? Un gros béton. Un gros oignon sur le pif du monde. Des neutrons, des protons, pas une pierre d'espace, à visage humain. Humain, déformé, ricanant, cloniquant, trois jambes, trois bras, deux têtes. Des mutants? Non, des moutons et cinq pattes. Ils sont les prismes de la laideur du monde. C'est le cancer du monde qui suit à plein flot. Allez! Sus, au bout d'un moment! Bon, les qui chauffent, qui glottent! Et toi, la centrale nucléaire? Toi-même? En garde, la garce! Sylvia du Luberc, fille de feu, issue d'un rayon gamma! Et ses copines affreuses, pareilles ou même! Eh, c'est pas toi qui va m'intimider! Tiens, prends un schmock de ma Brandes Bruck, transforme en shark! Eh, moi aussi je connais le moderne! Non, pépé, c'est pas une danse de bois que tu vas! On va te percer! On va te radier! On va t'irradier! Science-fiction de pacotille, pas le toquet de l'illusoire! Vous allez voir! Je pars ma charrette! Oui, oui! Comme dans le temps! Il essaye de faire sortir sa Deus ex machina, bric-à-brac archaïque, mytholimique! Je vous vois mort, petit con de notre tronc, drone sans conne, clone sans conne, effet sans cause, fait de travers, paix de l'esprit! Raf, raf, ta mère, ta mère! Ma mère, elle vous amère, pustule de l'enfer, draculette sans tête! Mort de tes morts! Voilà, voilà donc un extrait de cette pièce où vous avez pu reconnaître des voix au passage. Voilà. Et oui, et moi, c'était un registre à Blanchemer ou c'était ailleurs? C'était à Tendon. À Tendon? Oui. Ah, voilà. Moi, il y a un moment, je protège le pépé. Je dis attention, pépé, il va irradier. Et c'est vrai que la centrale, finalement, on en arrive à bout, hein, Vincent? On en arrive à bout de la centrale, hein, et drôlement en fait, d'une façon bien drôle. Voilà, bah enfin ceux qui ont découvert la pièce. Oui, voilà, faut découvrir la pièce. Ah oui, parce que c'est quoi, tout petit extrait. Voilà, voilà, on a entendu Bruyère. Oui, si je peux, Vincent, je peux m'attarder 2 minutes oui, sur la pièce. Oui, vas-y, attarde. Ce qui m'a marqué dans cette pièce, c'est tout le chat-huant, l'animal qui fume. Mais c'est original comme tout. Mais il y a quelque chose qui m'a touchée, c'est que il y a donc un couple, le vieux et le couple ont un enfant. Et l'enfant vole une orange sur un site de marchand. Et en fait, le marchand vient et « Au voleur !» Et le vieux arrive et dit au marchand « C'est vous, les voleurs !» D'un air de dire « Vous n'êtes même pas capable d'offrir une orange à un enfant. » Alors ça, c'est la partie de la pièce qu'on n'a encore pas jouée et qu'on jouera l'année prochaine. Oui. Ça fait partie du futur. Oui. Quand on pourra rejouer... On découvrira. Alors maintenant, donc, on va parler de septembre culturel. Alors, il n'y a plus qu'un quart d'heure, comme le temps passe. Alors, mais on va le résumer quand même, ce septembre culturel, avec peut-être encore, on verra si on a autour de Bussan. Autour de Bussan, parce que, oui, voilà, c'est depuis 2013, pardon, je me trompe de siècle. Depuis 2013, nous faisons des balades, donc, mais bien avant on faisait quand même des activités à Bussan suite à la saison du Théâtre du Peuple. Et là, à partir de 2013, le Parc des Ballons nous a demandé de faire un ballon en balade assez exceptionnel et qui par la suite s'est perpétué. C'était grâce à Francis Cuny, je l'ai dit, et ça donnait autour de la 15 bus dont on a parlé, la forêt culturelle, comme on l'a expliqué, une forêt pleine de ces bancs de Francis Cuny qui ont été édifiés pour rendre hommage aux arbres tombés et qui reflètent donc ce respect des arbres que Francis, l'Hercule des Hauts, comme je l'ai appelé, a. Et puis, l'idée d'entrée a été avec Frédéric Durand, le fils de notre ami François, qui est là. Eh bien, l'idée de Frédéric a été de faire au milieu de la Casemus, c'est-à-dire à la jonction des trois communes qui sont Vintron, le Ménil et Bussan, et pas loin Fraisse d'ailleurs, et même le Thiot qui a des terrains vers là-haut, eh bien, et Saint-Maurice pas trop loin, eh bien, l'idée était de faire une illustration de cette hymne à la vie. Et c'est ainsi que Frédéric a pensé faire un monument à la vie. Il a dit, il y a bien les monuments aux morts, eh bien, oui. Il faut qu'un monument à la vie. Et c'est la tombe de Carbone, en bois, un monument quand même d'une assez exceptionnelle, qui fait environ... un atome de Carbone, enfin, c'est un tétraèdre. Tétraèdre, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Et alors, il est là-haut, et c'est devenu notre point de rendez-vous chaque année. Il y a des cortèges qui partent ou de Vintron, comme là, ça partira de Frère Joseph, à 400 mètres, en fait, sous Frère Joseph, depuis l'arrivée du parking, depuis l'arrivée des pistes. Et là, c'est Francis Cuny qui amènera les pèlerins de Vintron. Et puis, de l'autre côté, ce sera avec Frédéric Durand, justement, les gens qui passent de l'Arsenaire, au-dessus de l'Arsenaire, à Zureva, en fait, au-dessus d'Azureva, à 400 mètres au-dessus, point de départ. Et là, on se retrouvera tous là-haut, au tétraèdre. Alors maintenant, du côté... C'est aussi un hommage à Gérard Parmentier. Ah oui, tout à fait. Des dettes. Alors ça s'appelle Hommage à des dettes, qui était Gérard Parmentier, un fabuleux conteur, qui a mené ses balades de façon truculente. Il fallait voir comment il racontait, comment on faisait les fromages dans le temps. Et il a disparu, lui, en 14. Il a mis les deux premières années. C'est lui qui menait ce trajet. Sur les pas, à l'époque, on appelait sur les pas de Colas de la Casemus, une histoire du siècle d'avant. Mais là, c'est maintenant sur les pas de Dédette et de Colas de la Casemus. Et c'est le dimanche 9 septembre. Voilà. Et là, on se retrouve, donc c'est bientôt. Départ à 10h. De part et d'autre, et jonction vers midi, et là on repart tirer les sacs, apéro offert, et atelier d'écriture par Maggie Louis et moi-même sur la beauté de la forêt, l'âme de la forêt, je dirais. Et là, je suis beaucoup inspiré par un bouquin que je viens de lire, là, sur la vie secrète des arbres, qui est remarquable, et c'est quelque chose qui me montre que les arbres sont vraiment une communauté vivante, et ont en quelque sorte une âme. Oui, évidemment, un arbre, il paraît que quand il est malade, il se soigne lui-même, et il soigne aussi son environnement, là où il est, là où il pousse, et il prévoit même la vie pour les jeunes arbres qui vont venir. Voilà, il a vraiment une pensée, c'est comme si les arbres pensaient. Oui. À ce propos, il y a sur le dernier Science et Vie, il y a une étude sur la mémoire. On croyait que la mémoire était uniquement une affaire de neurones. En fait, c'est plus compliqué que ça. Donc la mémoire des plantes, la mémoire des animaux la mémoire des humains fonctionnent un peu de la même manière, de manière, on pourrait dire chimique, pour faire court, biologique. Biologique. Ah ouais. Moi je, effectivement, ce qui m'a une image, entre autres, c'est plus qu'une image, une réalité, c'est que par les racines, notamment, les arbres ont un immense réseau Internet de communication par le sol. Et c'est quelque chose que j'imaginais pas tout à fait. Et il faut découvrir ça. Voilà. Alors, de cette balade dans la forêt. On écrira, et le soir, les textes qu'on aura lus, qu'on aura écrits, malheureusement, Félicie ne pourra pas être là, elle sera prise ailleurs, au Forum des Associations à Épinal. Mais donc, on lira les textes qu'on aura écrits à 19h. À 19h, chez Francis Cuny, à la cabane magique, qui mérite toujours d'être défendue, parce qu'on sait qu'on y tient beaucoup. Voilà. Et si les auditeurs veulent voir ses écrits, comment ça va se passer? Il faut qu'ils viennent à la cabane, voilà. Voilà, à la cabane. Voilà. C'est vrai que ça fait moins loin, vous n'êtes pas obligé d'aller faire la balade, mais au moins aller à la cabane pour voir les écrits. Effectivement. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire. Parce On va peut-être passer au samedi 15. Parce que le samedi 15. Et le dimanche 16. Eh bien, le samedi 15, il y a un c'est la journée du patrimoine, il faut pas l'oublier. La journée du patrimoine avec des visites gratuites du Théâtre du Peuple. Moi-même, j'en assurerai. C'est toujours à Bussan. Toujours à Bussan, ah oui, c'est pour ça. Et à l'église, le samedi 15, le soir, un concert Ombre et Lumière de l'Angleterre du XVIIe siècle par l'association Idéal 88, à laquelle Recréer adhère, effectivement, et je vends des places pas chères, 10 euros ou 5, pour les enfants. Et donc, c'est quelque chose qui est un concert de haute qualité, avec des instruments anciens, le théorbe, l'archilute, la viole de gambe, bien sûr, avec trois nanas, si je peux dire, enfin, c'est des grandes dames de la musique, qui, alsaciennes, comtoises, etc., qui se réunissent pour nous donner un concert, notamment avec les musiques de John Loveland et Henry Love, du grand siècle, élisabétain. Alors, quelque chose de... C'est pas du tout rébarbatif, c'est quelque chose où il y aura présentation des instruments. Voilà. Ça, c'est le 15. Et le 16. Eh bien, là... c'est encore toute une histoire. Il vaut mieux réserver ses places. Ah ben là, il faut réserver. Pour le samedi 15, on peut les réserver. Il y a deux sources. Il y a moi. 06 83 17 66 36, bien sûr, où je vends des places. Mais d'autres associations aussi en vendent. Ainsi, l'Office du tourisme de Bussan, c'est plus simple à retenir si vous n'avez pas pu noter. Vous pouvez demander éventuellement à la radio qui répercuterait. Voilà. Et il n'y a pas des places à vendre dans les magasins Armirmont ? Non. Le dimanche 16, eh bien, c'est devant le presbytère. Le presbytère, c'est toute une histoire. Alors là, j'ai pas le temps ça fera partie d'en parler beaucoup. On en reparlera. Il faudra en reparler. Le projet presbytère. Le presbytère est un monument du 1725-35, qui menace d'être détruit. Sa destruction a été votée par le conseil municipal. On est allé voir le maire, on avait demandé au Théâtre du Peuple s'il voulait bien s'en charger. Ça les a pas trop intéressés pour l'instant. Et donc, Recréer s'est dit, il n'y a que nous. Il y avait l'association Lavoie de patrimoine, mais qui sommeille un petit peu en ce moment. Donc on a dit, on s'y porte, on s'y met. Et le maire a dit, d'accord. Eh ben, on a un challenge d'un an. C'est le monument qu'on voit dans le petit tract, voilà. Le flyer. Et François était il y a 10 ans, quand on avait voulu sauver ce patrimoine. Ce patrimoine. Et à nouveau, c'était à nouveau à sauver. Alors bon, voilà, l'architecte des bâtiments de France est venu, il a trouvé sain, et on va essayer de le défendre. Ma foi, je ne sais pas si on peut compter sur Stéphane Bern, mais... Il a dit qu'il faisait ce qu'il pouvait, mais qu'il partirait s'il se rendait compte qu'il ne faisait que l'opération. Hein. Le hulot du patrimoine, voilà. Donc, Stéphane Bern est venu s'intéresser Non, j'ai pas trop le temps, c'est 6 minutes. On n'a plus que quelques minutes. Je suis obligé d'accélérer. Et puis, alors, devant le presbytère... Il y aura un spectacle qu'on a donné. Jean Poitier et Ropa. Voilà, c'est pareil. J'en donnerai des extraits plus larges dans mon émission de vendredi. Et c'est Jean Poitier, c'est des lectures sur Jean Poitier, auxquelles, d'ailleurs, notre chère Félicie participera cette fois. On les a faites à Fraisse, on les a faites à Vittel, récemment. Et avec un quatuor à cordes que Jean-Claude Luçon mène. Et avec des lectures sur la vie de Jean Poitier, euro-pacifiste, qui était ami de Jean Jaurès, qui n'a pas voulu porter l'uniforme et qui est mort, c'est son centenaire, qui est mort dans les derniers mois de la guerre. En fait, en juillet, ça fait un peu plus de 100 ans. Il était brancardier infirmier, il est mort en sauvant des vies. Et alors, c'est très touchant. Et on a des lectures avec Quatuor à cordes à 15h. Devant le presbytère, c'est gratuit, laïque, et pas obligatoire, mais recommandé. Et malgré le presbytère, c'est laïque. Voilà. Et donc, et ça, c'est le 16. Et puis, je suis obligé de aller vite, parce que finalement, notre heure... Et samedi 22, et dimanche 23, on Alors, le ST, le château oubli, alors là, François en sait quelque chose. Peut-être que je vais laisser la parole à François, qui est à la technique, parce qu'il connaît un peu la question par Francis Pierre et la Sésame. Le château d'Esté. Ah non. Ah, je croyais que tu... Non, je ne suis pas de l'équipe qui connaît bien cette... Ah bon, je pensais que tu étais allé travailler. Non, mais je suis allé me dire en Poitiers, moi. Je suis un mauvais élève. Un élève qui n'est pas là souvent. quand il non, faut. Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est, je pensais que tu y étais, que tu étais monté. On découvrirait ça lors d'une conférence. Ben, il y a plusieurs hypothèses sur le château qui a été signalé en 1567. Château d'Este ou Mosello, au XVIIIe siècle, on l'appelle Mosello aussi. Et il est ou romain ou médiéval, on ne sait pas. Et des générations, depuis 1850 environ, se sont penchées là-dessus, donc c'est vraiment récurrent. Et notamment dans l'histoire de Bussan, qui vient d'être rééditée, préface de Maurice Potzer et nouvelle préface de moi-même. Donc, on en parle pas mal. Et c'est pour ça que j'ai dit à Francis Pierre, il a sa propre hypothèse, il a ses âmes, d'en parler. Alors, bien sûr, il y en a plusieurs hypothèses. Il y en avait une, il y avait Charles Kramer, mais là, tu y étais, François, un peu. Il avait pensé le trouver au-dessus des tangents. Oui, on était allé sur le terrain, mais voilà. Il n'y avait pas eu de conclusion qui avait été tirée. Non, mais c'était après réflexion, certains ont émis des hypothèses. Voilà. Alors, tout ça, toutes les hypothèses, il faudrait les confronter, et peut-être que l'hypothèse qui dominerait, à la fin, ça serait une synthèse de toutes les autres. Ah bah, c'est Bruno Kremer, tu dis qui... Non, pas non, Charles Kremer. Un extra-lucide de notre connaissance, un jour, il y a bien des années en arrière, nous a déclaré que, de toute façon, il y avait bien des forts romains vers le col de Bussan. Oui. C'est probable. Vous voyez l'emplacement. Ah, de toute façon, les Limès passaient dans ce coin-là. Avant que quiconque en parle. Mmh. Enfin, bon. Voilà. Est-ce que véritablement c'était une hallucination ou une voyance? Bon. Alors, en tout cas, ce château, il y aura une conférence à 20h30 à la salle des fêtes de Bussan. Le samedi 22, et le lendemain, balade. Alors, je vous préviens, rendez-vous à la source de la Moselle à 14h, parce que c'est pas loin de là, après on part à pied, mais je vous préviens, il y a environ 1,5 km de marche, c'est pas beaucoup, mais 300 mètres de très forte déclivité, c'est du 35-40%, j'en sais rien, ça souffre, et 150 mètres, ça fait un chemin rocailleux. Bon, c'est faisable, mais en prenant son temps. Donc, c'est le 22 et 23, et voilà, on va terminer là-dessus. Voilà, ben merci Vincent. Hein, merci. On a fait un peu le tour des activités, et puis on s'est projeté dans l'avenir, dans le prochain avenir, puisqu'il s'agit du mois de septembre. Merci à Vincent, merci bien sûr. Peut-être qu'on peut ajouter, il reste une minute. François. On va peut-être rejouer la pièce en novembre-décembre, Vincent, peut-être. Oui, ça, espérons. La pièce Eldorado. Oui. Oui, Eldorado, voilà. Chemin de lisière 2, Eldorado, voilà. Lisière 2. Espérons, tu as raison. Voilà. Eh bien, bonne fin de soirée à toutes et à tous. Et puis, bonne soirée mardi à vous. Prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous.